ne couvre pas tes sentiments de phrases. De simples souvenirs deviennent extases. Le silence est parfois moins lourd. Les mots si sourds et si bas. De ces étoiles nous reste quelques flammes.